Le journal d'une femme de chambre, chapitre 11. 10 novembre. Maintenant, il n'est plus question de la petite Claire. Ainsi qu'on l'avait prévu, l'affaire est abandonnée. La forêt des rayons et Joseph garderont donc leur secret, éternellement. De celle qui fut une pauvre petite créature humaine, il ne sera pas plus parlé désormais que du cadavre d'un merle mort sous le fourré dans le bois. Comme si rien ne s'était passé, le père continue de casser ses cailloux sur la route, et la ville, un instant remuée et moustillée par ce crime, reprend son aspect coutumier, un aspect plus morne encore à cause de l'hiver. Le froid, très vif, claquemure davantage les gens dans leurs maisons. C'est à peine si derrière les vitres gelées, on entrevoit leurs faces pâles et sommeillantes, et dans les rues, on ne rencontre guère que des vagabonds en loques et des chiens frileux. Madame m'a envoyé en course chez le boucher, et j'ai pris les chiens avec moi. Pendant que je suis là, une vieille entre timidement dans la boutique et demande de la viande. Un peu de viande pour faire un peu de bouillon au fils qui est malade. Le boucher choisit parmi des débris entassés dans une large bassine de cuivre un sale morceau, moitié os, moitié graisse, et l'ayant pesé vivement, « 15 sous » annonce-t-il. « 15 sous !» s'exclame la vieille. « Ce n'est pas Dieu possible, et comment voulez-vous que je fasse du bouillon avec ça ?»« À votre aise !» dit le boucher en rejetant le morceau dans la bassine. « Seulement, vous savez, je vais vous envoyer votre note aujourd'hui. Si demain elle n'est pas payée, l'huissier !»« Donnez !» se résigne alors la vieille. Quand elle est partie. « C'est vrai aussi !» m'explique le boucher. « Si on n'avait pas les pauvres pour les bas morceaux, on ne gagnerait vraiment pas assez sur une bête. Mais ils sont exigeants maintenant, ces bougres-là !» Et taillant deux longues tranches de bonne viande bien rouge, il les lance aux chiens. Les chiens de riches, parbleu, c'est pas des pauvres. Au prieuré, les événements se succèdent. Du tragique, il passe au comique, car on ne peut pas toujours frissonner. Fatigué des tracasseries du capitaine et sur les conseils de madame, monsieur a fini par l'appeler au juge de paix. Il lui réclame des dommages et intérêts pour le bruit de ses cloches, de ses châssis et pour la dévastation du jardin. Il paraît que la rencontre des deux ennemis dans le cabinet du juge a été quelque chose d'épique. Ils se sont engueulés comme des chiffonniers. Naturellement, le capitaine nie avec force serment avoir jamais lancé de pierre ou quoi que ce soit dans le jardin de Lanlaire. C'est Lanlaire qui lance des pierres dans le sien. « Avez-vous des témoins? Où sont vos témoins? Osez produire des témoins !» hurle le capitaine. « Les témoins ? » riposte monsieur. « C'est les pierres! C'est toutes les cochonneries dont vous ne cessez de couvrir ma propriété! C'est les vieux chapeaux, les vieilles pantoufles que j'y ramasse chaque jour et que tout le monde reconnaît pour vous avoir appartenu! Vous mentez! C'est vous qui êtes une canaille, une crapule !» Mais... dans l'impossibilité où est monsieur d'apporter des témoignages recevables et probants, le juge de paix, qui est d'ailleurs l'ami du capitaine, engage monsieur à retirer sa plainte. Et du reste, permettez-moi de vous le dire, conclut le magistrat, il est bien improbable, il est tout à fait inadmissible qu'un vaillant soldat, un officier intrépide, qui a gagné tous ses grades sur les champs de bataille, s'amuse à lancer des pierres et de vieux chapeaux dans votre propriété, comme un gamin. Parbleu, vocifère le capitaine, cet homme est un infâme dreyfusard, il insulte l'armée. Moi ? Oui, vous ! Ce que vous cherchez, sale juif, c'est de déshonorer l'armée. Vive l'armée ! Ils ont failli se prendre aux cheveux, et le juge a eu beaucoup de peine à les séparer. Depuis, monsieur a installé en permanence dans le jardin deux témoins invisibles derrière une sorte d'abri en planche où sont percés à hauteur d'homme quatre trous ronds pour les yeux. Mais le capitaine averti s'est tenu tranquille et monsieur en est pour ses frais. J'ai vu le capitaine 2 ou 3 fois par-dessus la haie. Malgré la gelée, il ne quitte pas de la journée son jardin où il travaille à toutes sortes de choses avec acharnement. Pour l'instant, il encapuchonne ses rosiers de gros bonnets de papier huilé. Il me compte ses malheurs. Rose souffre d'une attaque d'influenza. Et Dame, avec son asthme. Bourbaki est mort. Il est mort d'une congestion pulmonaire pour avoir bu trop de cognac. Vraiment, il n'a pas de chance. Et c'est sûrement ce bandit de l'enlaire qui lui a jeté un sort. Il veut en avoir raison, en débarrasser le pays. Et il me soumet un plan de combat épatant. Voilà ce que vous devriez faire, mademoiselle Célestine. Vous devriez déposer contre l'enlaire au parquet de Louviers une plainte tapée pour outrage aux mœurs et attentat à la pudeur. Ça, c'est une idée. Mais, capitaine, jamais monsieur n'a outragé à mes mœurs ni attenté à ma pudeur. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Je ne peux pas. Comment vous ne pouvez pas? Rien n'est plus simple pourtant. Déposez votre plainte et faites-nous citer, Rose et moi. Nous viendrons affirmer, certifier en justice, que nous avons vu tout, tout, tout. La parole d'un soldat, en ce moment surtout, c'est quelque chose, tonnerre de Dieu. Ce n'est pas la chose de chien. Et notez qu'après cela, il nous sera facile de faire revivre l'affaire du viol et d'englober l'enlaire dedans. Ça, c'est une idée. Pensez-y, mademoiselle Célestine, pensez-y. Oh, j'ai beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à quoi penser en ce moment. Joseph me presse de me décider. On ne peut pas attendre plus longtemps. Il a reçu de Cherbourg la nouvelle que la semaine prochaine doit avoir lieu la vente du petit café. Mais je suis inquiète, troublée. Je voudrais et je ne voudrais pas. Un jour cela me plaît et le lendemain cela ne me plaît plus. Je crois surtout que j'ai peur que Joseph ne veuille m'entraîner à des choses trop terribles. Je ne puis me résoudre à prendre un parti. Il ne me brutalise pas. Me donne des arguments, me tente par des promesses de liberté, de belles toilettes, de vie assurée, heureuse, triomphante. Faut pourtant que je l'achète, le petit café, me dit-il. Je ne peux pas laisser échapper une occasion pareille. Et si la révolution vient? Pensez donc, Célestine, c'est la fortune tout de suite. Et qui sait? La révolution a... Mettez-vous ça dans la tête! Il n'y a pas mieux pour les cafés. Achetez-le toujours. Si ce n'est pas moi, ce sera une autre. Non, non, faut que ce soit vous. Il n'y en a pas d'autre que vous. J'ai les sangs tournés de vous. Mais vous, vous vous méfiez de moi. Non, Joseph, je vous assure. Si, si, vous avez de mauvaises idées sur moi. À ce moment... Je ne sais, non, en vérité, je ne sais où j'ai pu trouver le courage de lui demander. Eh bien, Joseph, dites-moi que c'est vous qui avez violé la petite Claire dans le bois. Joseph a reçu le choc avec une extraordinaire tranquillité. Il a seulement haussé les épaules, s'est dandiné quelques secondes et remontant son pantalon qui avait un peu glissé, il a répondu simplement « Vous voyez bien, quand je vous le disais, je connais vos pensées, allez, je connais tout ce qui se passe dans vos pensées. » Il a adouci sa voix, mais son regard est devenu si effrayant qu'il m'a été impossible d'articuler une parole. « S'agit pas de la petite Claire, s'agit de vous. » Comme l'autre soir, il m'a prise dans ses bras. « Viendriez-vous avec moi dans le petit café ?» Toute frissonnante, toute balbutiante, j'ai trouvé la force de répondre. J'ai peur de vous, Joseph. Pourquoi ai-je peur de vous? Il m'a tenu bercé dans ses bras. Et dédaigneux de se justifier, heureux peut-être d'augmenter mes terreurs, il m'a dit d'un ton paternel. Eh ben, puisque c'est ça, j'en recauserons. demain. Il circule en ville un journal de Rouen où il y a un article qui fait scandale parmi les dévotes. C'est une histoire vraie, très drôle et pas mal raide, qui s'est passée tout dernièrement à Port-Lançon, un joli endroit situé à 3 lieues d'ici. Le piquant, c'est que tout le monde en connaît les personnages. Voilà encore de quoi occuper les gens pendant quelques jours. On a apporté le journal à Marianne hier, et le soir après le dîner, j'ai fait la lecture du fameux article à haute voix. Dès les premières phrases, Joseph s'est levé très digne, sévère et même un peu fâché. Il déclare qu'il n'aime pas les cochonneries et qu'il ne peut supporter qu'on attaque la religion devant lui. « C'est pas bien ce que vous faites là, Célestine. C'est pas bien !» Et il est parti se coucher. Je transcris ici cette histoire. Elle m'a paru propre à être conservée, et puis j'ai pensé que je pouvais bien égayer d'un franc éclat de rire ces pages si tristes. La voici. Monsieur le doyen de la paroisse de Port-Lançon était un prêtre sanguin, actif, sectaire, et son éloquence avait grande réputation dans les pays avoisinants. Mécréant et libre penseur se rendait à l'église le dimanche rien que pour l'entendre prêcher. Il s'excusait de cette pratique en invoquant des raisons oratoires. On n'est pas de son avis, bien sûr, mais c'est tout de même flatteur d'entendre un homme comme ça. Et ils enviaient pour leurs députés qui ne soufflaient jamais un mot la sacrée platine qu'avait monsieur le doyen. Son intervention dans les affaires communales, brouillonne et bruyante, gênait parfois le maire, irritait souvent les autres autorités, mais monsieur le doyen avait toujours le dernier mot à cause de cette sacrée platine qui rivait son clou à tout le monde. Une de ses manies était qu'on n'instruisit pas assez les enfants. Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école? On ne leur apprend rien. Quand on les interroge sur des questions capitales, c'est une vraie pitié. Ils ne savent jamais quoi répondre. De ce fâcheux état d'ignorance, il s'en prenait à Voltaire, à la Révolution française, au gouvernement, aux Dreyfusards, non point aux prônes, ni en public, mais seulement devant des amis sûrs, car tout sectaire et intransigeant qu'il fût, monsieur le doyen tenait à son traitement. Aussi, le mardi et le jeudi, avait-il accoutumé de réunir dans la cour de son presbytère le plus d'enfants qu'il pouvait. Et là, durant 2 heures, il les initiait à des connaissances extraordinaires et comblait de surprenantes pédagogies les lacunes de l'éducation laïque. « Voyons, mes enfants, quelqu'un de vous sait-il seulement où se trouvait jadis le paradis terrestre? Que celui qui le sait lève la main. Allons ?» Aucune main ne se levait. Il y avait dans tous les yeux d'ardents points d'interrogation. Et monsieur le doyen, haussant les épaules, s'écriait « C'est scandaleux! Que vous enseigne-t-il donc votre instituteur? Ah, elle est jolie, l'éducation laïque, gratuite et obligatoire! Elle est jolie! Eh bien, je vais vous le dire, moi, où se trouvait le paradis terrestre. Attention !» Et catégorique, non moins que grimaçant, il débitait « Le paradis terrestre, mes enfants, ne se trouvait pas à Port-Lançon, quoi qu'on dise, ni dans le département de la Seine-Inférieure, ni en Normandie, ni à Paris, ni en France. Il ne se trouvait pas non plus en Europe, pas même en Afrique ou en Amérique. En Océanie, pas davantage, est-ce clair ?» Il y a des gens qui prétendent que le paradis terrestre était en Italie, d'autres en Espagne, parce que dans ces pays-là, ils poussent des oranges. Petits gourmands. C'est faux, archi-faux. D'abord, dans le paradis terrestre, il n'y avait pas d'oranges. Il n'y avait que des pommes. Pour notre malheur. Voyons, que l'un de vous réponde. Répondez ! Et comme aucun ne répondait, « Il était en Asie !» clamait monsieur le doyen d'une voix retentissante et colère. « En Asie, où jadis, il ne tombait ni pluie, ni grêle, ni neige, ni foudre. En Asie, où tout était verdoyant et parfumé, où les fleurs étaient hautes comme des arbres et les arbres comme des montagnes. Maintenant, il n'y a rien de tout cela en Asie, à cause des péchés que nous avons commis. Il n'y a plus en Asie que des Chinois, des cochins chinois, des Turcs, des hérétiques noirs, des païens jaunes qui tuent les saints missionnaires et qui vont en enfer. Et moi qui vous le dis. Autre chose, savez-vous ce qu'est la foi ? La foi ? Un des enfants balbutiait très sérieux sur le ton d'une leçon récitée. La foi, l'espérance et la charité, c'est une des trois vertus théologales. « Ce n'est pas ce que je vous demande !» récriminait monsieur le doyen. « Je vous demande en quoi consiste la foi. »« Ah, vous ne le savez pas non plus !»« Eh bien, la foi consiste à croire ce que vous dit votre bon curé et à ne pas croire un mot de tout ce que vous dit votre instituteur. Car il ne sait rien, votre instituteur, et ce qu'il vous raconte, ce n'est jamais arrivé. » L'église de Port-Lançon est connue des archéologues et des touristes. C'est un des édifices religieux les plus intéressants de cette partie de la Normandie, où il en existe tant d'admirables. Sur la façade occidentale, au-dessus d'une porte centrale, en ogive, une rose s'épanouit délicatement, portée sur une arcature tribolée, à jour, d'une grâce et d'une légèreté infinies. L'extrémité du bas-côté septentrional, que longe une obscure venelle, est décorée d'ornementations plus touffues et moins sévères. On y remarque beaucoup de personnages singuliers, à face de démons, des animaux symboliques et des saints pareils à des truands, qui, dans les dentelles ajourées des frises, se livrent à d'étranges mimiques. Malheureusement, la plupart sont décapités et mutilés. Le temps et la pudeur vandalique des desservants ont successivement endommagé ces sculptures satiriques, joyeuses et paillardes comme un chapitre de Rabelais. La mousse pousse, morne et décente sur ses corps de pierres effritées, où bientôt l'œil ne sera plus distingué que d'irrémédiables ruines. L'édifice est partagé en deux parties par de hardies et minces arcades, et ses fenêtres rayonnantes dans la face sud sont flamboyantes dans le collatéral nord. La maîtresse vitre du chevet, en rosace immense et rouge, flamboie et figure, elle aussi comme un soleil couchant d'automne. Monsieur le doyen communiquait directement de sa cour, plantée de vieux marronniers, dans l'église, par une petite porte basse, récente, qui s'ouvrait sur un des collatéraux et dont il partageait la clé unique avec la supérieure de l'hospice, sœur Angèle. Aigre, maigre, jeune encore, d'une jeunesse revêche et fanée, austère et cancanière, entreprenante et furteuse, sœur Angèle était la grande amie de monsieur le doyen et sa conseillère intime. Ils se voyaient chaque jour, mystérieusement, préparant sans cesse des combinaisons électorales et municipales, se confiant les secrets dérobés des ménages pour l'ensonner, s'ingéniant à éluder, par d'habiles manœuvres, les arrêtés préfectoraux et les règlements administratifs au profit des intérêts ecclésiastiques. Toutes les vilaines histoires qui circulaient dans le pays venaient de là. Chacun s'en doutait, mais on n'osait rien dire, craignant l'intarissable esprit de monsieur le doyen ainsi que la méchanceté notoire de sœur Angèle qui dirigeait l'hospice à sa fantaisie de femme intolérante et rancunière. Jeudi dernier, monsieur le doyen, dans la cour du presbytère, inculquait aux enfants d'étonnantes notions météorologiques. Il expliquait le tonnerre, la grêle, le vent, les éclairs. Et la pluie ? Savez-vous bien ce que c'est que la pluie ? D'où elle vient ? Et qui la fabrique ? Les savants d'aujourd'hui vous diront que la pluie est une condensation de vapeur. Ils vous diront ceci et cela. Ils mentent. Ce sont d'affreux hérétiques, des suppôts du diable. La pluie, mes enfants, c'est la colère de Dieu. Dieu n'est pas content de vos parents qui, depuis des années, s'abstiennent de suivre les rogations. Alors il s'est dit, Ah, vous laissez le bon curé se morfondre tout seul avec son bedeau et ses chantres sur les routes et dans les centres. Bon, bon, gare à vos récoltes, sacripant. Et il ordonne à la pluie de tomber. Voilà ce que c'est que la pluie. Si vos parents étaient des fidèles chrétiens, s'ils observaient leurs devoirs religieux, ils ne pleuvraient jamais. À ce moment, sœur Angèle apparut au seuil de la petite porte basse de l'église. Elle était plus pâle encore que de coutume et toute bouleversée. Sur le serre-tête blanc défait, sa cornette avait légèrement glissé et les deux grandes ailes battaient, effrayées et désunies. En apercevant les élèves rangés en cercle autour de Monsieur le doyen, son premier mouvement fut de rétrograder et de fermer la porte. Mais Monsieur le doyen, surpris de cette brusque entrée, de cette cornette de travers, de cette pâleur, s'avançait déjà à sa rencontre, les lèvres tordues et les yeux inquiets. « Renvoyez ces enfants tout de suite !» supplia sœur Angèle. « Tout de suite, j'ai à vous parler !»« Oh, mon Dieu, que se passe-t-il donc ? Hein, quoi ? Vous êtes tout émue !»« Renvoyez ces enfants !» répéta sœur Angèle. « Il se passe des choses graves, très graves, trop graves !» Les élèves partis, sœur Angèle se laissa tomber sur un banc et durant quelques secondes, d'un mouvement nerveux, elle mania sa croix de cuivre et ses médailles bénites qui sonnèrent sur la bavette empesée dont était bardée sa poitrine plate d'un fécond de femelle. Monsieur le doyen était anxieux. Il demanda d'une voix saccadée « Vite, ma sœur, parlez, vous m'effrayez, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, très brève, sœur Angèle dit « Il y a que tout à l'heure, passant dans la Venelle, j'ai vu sur votre église un homme tout nu. » Monsieur le doyen ouvrit en grimace sa bouche qui demeura béante et toute convulsée. Puis il bégaya. « Un homme tout nu ? Vous avez, ma sœur, vu sur mon église un homme tout nu ? Sur mon église ? Vous êtes sûre ? Je l'ai vu. Il s'est trouvé dans ma paroisse un paroissien assez éhonté, assez charnel, pour se promener tout nu sur mon église. Mais c'est incroyable! Ah, ah! Son visage s'empourprait de colère, sa gorge contractée rappelait les mots. Tout nu sur mon église! Oh, mais dans quel siècle vivons-nous? Et que faisait-il tout nu sur mon église? Il forniquait, peut-être. Il... « Vous ne me comprenez pas, » interrompit sœur Angèle. « Je n'ai pas dit que cet homme tout nu fût un paroissien, puisqu'il est en pierre. »« Comment ? Il est en pierre. Mais alors ce n'est plus la même chose, ma sœur. » Et soulagé par cette rectification, monsieur le doyen en respira bruyamment. « Oh, quelle peur j'ai eue !» Sœur Angèle se fit agressive. Sa voix siffla entre ses lèvres plus minces et plus pâles. « Alors tout est bien. Vous le trouvez moins nu parce qu'il est en pierre. »« Je ne dis pas cela, mais enfin, ce n'est plus la même chose. »« Et si je vous affirmais que cet homme en pierre est plus nu que vous le croyez, qu'il montre un instrument d'impureté, une chose horrible, énorme, une chose monstrueuse qui pointe. » « Tenez, monsieur le curé, ne me faites pas dire des saletés !» Elle se leva en proie à une agitation violente. Monsieur le doyen était atterré. Cette révélation le frappait de stupeur. Ses idées se brouillaient, sa raison s'égarait en un rêve d'atroce luxure et d'abominable enfer. Il balbutia, enfantin. « Oh, vraiment ? Une chose énorme ? Qui pointe ? Oui, c'est inconcevable. Mais c'est très vilain, ça, ma sœur. Et vous êtes certaine, bien certaine d'avoir vu cette chose énorme pointée ? Vous ne vous trompez pas ? Ce n'est pas une plaisanterie. Oh, c'est inconcevable. » Sœur Angèle frappa le sol du pied. Et depuis des siècles qu'elle est là, souillant votre église, vous ne vous êtes aperçue de rien. Et il faut que ce soit moi. Une femme, moi, une religieuse, moi qui ai fait vœu de chasteté, il faut que ce soit moi qui dénonce cette abomination et qui viennent vous crier « Monsieur le doyen, le diable est dans votre église !» Mais Monsieur le doyen, aux paroles ardentes de Sœur Angèle, avait vite reconquis ses esprits. Il prononça d'un ton résolu « Nous ne pouvons tolérer un tel scandale. Il faut terrasser le diable. Et je m'en charge. Revenez à minuit. Quand tout le monde dormira à Port-Lançon, vous me guiderez. Je vais prévenir le sacristain afin qu'il se procure une échelle. Est-ce très haut ? C'est très haut. Et vous saurez bien retrouver la place, ma sœur. Je la retrouverai les yeux fermés. À minuit, donc, monsieur le doyen. Et que Dieu soit avec vous, ma sœur. » Sœur Angèle se signa, regagna la porte basse et disparut. La nuit était sombre, sans lune. Aux fenêtres de la Venelle, la dernière lumière s'était depuis longtemps éteinte. Les réverbères obscurs, au haut de leur potence, balançaient leurs grinçantes et invisibles carcasses. Tout dormait dans Port-Lançon. « C'est là !» fit Sœur Angèle. Le sacristain appliqua son échelle contre le mur, près d'une large baie à travers les vitraux de laquelle brillait très pâle la courte lueur de la lampe veillant au sanctuaire. Et l'église déchiquetait ses silhouettes tourmentées dans un ciel couleur de violette où çà et là tremblaient de clignotantes étoiles. Monsieur le doyen, armé d'un marteau, d'un ciseau à froid, et d'une lanterne sourde, gravit les échelons, suivi de près par la sœur dont la cornette disparaissait sous les plis d'une large mante noire. Il marmottait « Abomini peccato !» La sœur répondait « Liberanos domine, ab insidis diaboli, liberanos domine, a spiritu fornicationis, liberanos domine. » Arrivés à hauteur de la frise, ils s'arrêtèrent. « C'est là !» fit Sœur Angèle. « À votre gauche, monsieur le doyen !» Et très vite, troublée par l'ombre, par le silence, elle chuchota « Agnus Dei, quitolis peccata mundi !»« Exodinos domine !» répondit monsieur le doyen, qui dirigea sa lanterne dans les entrecroisements de la pierre, où grimaçait, gambadait, d'apocalyptiques figures de démons et de saints. Tout d'un coup, il poussa un cri. Il venait d'apercevoir, braquée sur lui, terrible et furieuse, l'impure image du péché. « Mater purissima, mater castissima, mater inviolata !» bredouillait la sœur courbée sur l'échelle. « Oh, le cochon ! Le cochon !» vociféra monsieur le doyen en manière de rat pronobis. Il brandit son marteau, et tandis que derrière lui, sœur Angèle continuait de réciter les litanies de la Sainte Vierge, et que le sacristain arc-bouté au pied de l'échelle soupirait de vagues et dolentes oraisons, il asséna sur l'icône obscène un coup sec. Quelques éclats de pierre le cinglèrent au visage, et l'on entendit un corps dur tomber sur un toit, glisser dans une gouttière, rebondir et retomber dans la Venelle. Le lendemain, sortant de l'église où elle venait d'entendre la messe, Mademoiselle Robineau, une sainte femme, vit à terre, dans la Venelle, un objet qui lui parut d'une forme insolite et d'un aspect bizarre, comme en ont parfois certaines reliques dans les reliquaires. Elle le ramassa et l'examinant dans tous les sens, « C'est probablement une relique, se dit-elle, une sainte, étrange et précieuse relique, une relique pétrifiée dans quelque source miraculeuse. Les voies de Dieu sont tellement mystérieuses. » Elle eut d'abord la pensée de l'offrir à monsieur le doyen, puis elle réfléchit que cette relique serait une protection pour sa maison, qu'elle en éloignerait le malheur et le péché. Elle l'emporta. Arrivée chez elle, Mademoiselle Robineau s'enferma dans sa chambre. Sur une table, parée d'une nappe blanche, elle disposa un coussin de velours rouge avec des glands d'or. Sur le coussin, délicatement, elle coucha la précieuse relique. Ensuite, elle couvrit le tout d'un globe de verre, aussitôt flanqué de deux vases pleins de fleurs artificielles. et s'agenouillant devant cet autel improvisé, elle invoqua avec ardeur le saint inconnu et admirable à qui avait appartenu en des temps probablement très anciens cet objet profane et purifié. Mais bientôt elle ne tarda pas à se sentir troublée. Des préoccupations d'une précision trop humaine se mêlèrent à la ferveur de ses prières, à la joie pure de ses extases. Même des doutes terribles et lancinants s'insinuèrent en son âme. « Est-ce bien là une sainte relique ?» se dit-elle. Et tandis qu'elle multipliait sur ses lèvres les patères et les aves, elle ne pouvait s'empêcher de penser à d'obscures impuretés et d'écouter une voix plus forte que ses prières, une voix qui venait d'elle, inconnue d'elle, et qui disait « Tout de même, ça devait être un bien bel homme. » Pauvre demoiselle Robineau, on lui apprit ce que représentait ce bout de pierre. Elle faillit en mourir de honte, et elle ne cessait de répéter « Et moi qui l'ai embrassé tant de fois !» Aujourd'hui, 10 novembre, nous avons passé toute la journée à nettoyer l'argenterie. C'est tout un événement, une époque traditionnelle comme celle des confitures. Les Lanlaire possèdent une magnifique argenterie, des pièces anciennes, rares et de toute beauté. Elle vient du père de madame, qui l'a pris les uns disent en dépôt, les autres en garantie d'une somme prêtée à un noble du voisinage. Il n'achetait pas que des jeunes gens pour la conscription, cet Olybrius-là. Tout lui était bon et il n'était pas à une escroquerie près. S'il faut en croire l'épicière, l'histoire de cette argenterie serait des plus louches ou des plus claires, comme on voudra. Le père de madame serait rentré dans ses fonds et grâce à une circonstance que j'ignore, il aurait gardé l'argenterie par-dessus le marché. Un tour de filou épatant. Naturellement, les Lanlaire ne s'en servent jamais. Elle reste enfermée au fond d'un placard de l'office, dans trois grandes caisses doublées de velours rouge et scellées au mur par de solides crampons de fer. Chaque année, le 10 novembre, on la sort des caisses et on la nettoie sous la surveillance de madame. Et on ne la revoit plus jusqu'à l'année suivante. Oh, les yeux de madame devant son argenterie, devant le viol de son argenterie par nos mains! Jamais je n'ai vu dans des yeux de femme une telle cupidité agressive. Est-ce curieux ces gens qui cachent tout, qui enfouissent leur argent, leurs bijoux, toutes leurs richesses, tout leur bonheur, et qui, pouvant vivre dans le luxe et dans la joie, s'acharnent à vivre presque dans la gêne et dans l'ennui? Le travail fini, l'argenterie verrouillée pour un an dans ses caisses, et madame enfin partie avec la certitude qu'il ne nous en est rien resté au doigt, Joseph m'a dit d'un drôle d'air « C'est une très belle argenterie, vous savez, Célestine. Il y a surtout l'huilier du Louis XVI. Ah, sacristie, est-ce que c'est lourd? Tout cela vaut peut-être 25 000 francs, Célestine. Peut-être plus. On ne sait pas ce que ça vaut. » Et me regardant fixement, pesamment, jusqu'au fond de l'âme, viendriez-vous avec moi dans le petit café? Quel rapport peut-il bien y avoir entre l'argenterie de madame et le petit café de Cherbourg? En vérité, je ne sais pas pourquoi les moindres paroles de Joseph me font trembler.